Grâce à la complicité de Suzanne et de la comtesse, Figaro résout la nouvelle difficulté. Ce papier, c'est le brevet d'officier de Chérubin que le comte a nommé capitaine dans sa légion pour se débarrasser de lui. Chérubin l'aurait remis à Figaro car il y manquait un tampon. Le comte sent qu'on se joue de lui, mais ne parvient pas à démêler la vérité. Va-t-il faire ordonner le mariage de Figaro? Non, car Marceline vient faire valoir ses droits au mariage avec Figaro, en compensation de l'argent qu'il ne lui a toujours pas rendu. Le comte confie à Basile, le maître de clavecin de la comtesse, de régler le problème posé par Marceline, alors que Basile lui-même compte bien épouser Marceline.